Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier Meduy, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, dans le journal de l'Histoire, l'Histoire est-elle guérie de cette épidémie qui nous gouverne ? Face à l'épidémie qui nous tient toujours masqués, les historiennes et les historiens ont été dans un premier temps un peu désarmés, voire franchement sidérés, comme une grande partie de l'humanité n'y voyait aucun reproche. De grandes traversées de l'humanité dans son histoire des épidémies se sont succédées dans la presse et sur les sites d'information. Mais une fois rappelée la mythique peste noire, la grippe espagnole bien connue et la grippe de Hong Kong moins courue, il ne restait plus grand-chose si ce n'est le bruit, un temps persistant, des grincements de dents face à la multiplication des comparaisons avec les images de l'occupation allemande comme seule référence maladroitement convoquée face aux queues qui se formaient devant les magasins d'alimentation pourtant pléthoriques. Les esprits archivistiques se sont alors déchaînés en multipliant les collectes des traces de ce que nous vivions et parmi bien d'autres, on a vu naître celle des archives web du confinement par la BNF et d'autres initiatives spontanées comme celle de Sarah Gainsburger, vitrine en confinement. On a soudain profité de nos sorties autorisées pour traquer l'inventivité des commerçants et les messages écrits sur les vitrines ouvertes ou fermées dans nos parcours familiers soudain marqués par l'étrangeté de la situation. Pour autant, la discipline semblait bien embêtée devant l'inédit. L'apathie, comme partout, était au rendez-vous et l'histoire se vivait plus qu'elle ne s'écrivait savamment. Elle se cherchait un peu, coincée entre quatre murs. Mais comme chacun le sait, l'ennui pousse parfois à la créativité. Et ça c'est, et ça c'est, et ça c'est la bonne nouvelle. La fête a coupé court mais c'était imposé. Comme une galère on était bien posé. Mais on va rester enfermé, pas isolé. Et ça c'est, et ça c'est, et ça c'est la bonne nouvelle. La dernière livraison du magazine L'Histoire nous propose un numéro intitulé « Comment une pandémie change le monde ». C'est d'abord un retour sur l'expérience de la contrainte pour le métier qui est à l'œuvre, en regardant comment ceux qui ont fait œuvre d'historien ou d'historienne ont inventé des méthodes dans des contextes de contrainte extrêmes par le passé pour continuer à y contribuer. Tandis que l'historien Patrick Boucheron conclut ce dossier avec la question tendue qui s'est posée pendant le temps suspendu du confinement, peut-on encore être historien ? En opérant un retour sur l'impossibilité de trouver des précédents, il décrit comment sa science des commencements l'a lamentablement lâché mi-mars 2020 parce que aujourd'hui était la première fois. Mais l'histoire est au travail, elle ne s'est pas arrêtée, loin de là. Dans son article « La fin de la poignée de main », Clément Fabre nous explique comment, depuis le 19e siècle, cette pratique est devenue suspecte. Cette main qui se balade sans contrôle entre notre appareil ORL et nos parties génitales devient une menace à neutraliser pour les hygiénistes au cours du 19e siècle. D'ailleurs, Louis Pasteur avait ça en horreur et trouverait tout à fait agréable à sa psyché les affiches qui font désormais partie de notre quotidien visuel, nous incitant à utiliser sans hésitation savon et gel hydroalcoolique plusieurs fois par jour. Si l'hygiénisme a tenté de réécrire la grammaire de nos gestes tout au long du XXe siècle au gré des menaces bactériennes, cette guerre contre les échanges corporels rencontrait jusqu'à présent un échec cuisant, tant la poignée de main virile incarnait la modernité, l'effacement des hiérarchies sociales et les différends géopolitiques. Égrener la liste des poignées de main historiques dépasserait le temps qui m'est imparti ici. Il nous reste à réinventer une modernité du geste pour écrire la suite de notre histoire. Merci beaucoup Anaïs. Nous n'allons pas nous serrer la main, nous n'allons pas nous faire la bise non plus parce que c'est pas bien. Mais comme on dit, De loin, le cœur y est. On retrouve le journal de l'histoire sur notre site franceculture.fr.